c'était bien. Peut-être qu'hier sera meilleur. Passez me voir au magasin. Mes employés travaillent la nuit. Vous les reconnaîtrez à leur mépris. Je suis marchand de bonheur. De l'oubli pour votre âme. Je suis marchand de bonheur. J'en revenais trop bien. Qui sont si forts que l'on en crève. Alors il faut se démener. Il faut payer pour consommer. Je suis marchand de bonheur. Je ne fais pas de cadeaux. Je suis marchand de bonheur. Aucune confiance au toxico. Vous les connaissez-vous, ces paumés-là? Des anonymes qui ne marchent pas droit. Ils font trop de bruit ou n'en font pas. Sans parents, sans famille, sans avenir et sans passé. Leur présence est déchirée depuis qu'ils m'ont rencontré. Car je suis marchand de bonheur, mais je ne fais pas dans le social. Je suis marchand de bonheur,